Lévis, un médecin en quelques minutes. Moi c'est Marie, j'ai 33 ans et je vis en région parisienne. Ce week-end j'ai été super malade. Il se trouve que je vis dans un coin où il y a peu de médecins et mon médecin traitant n'était pas disponible ce jour-là. Alors du coup j'ai téléchargé Lévis. C'est une application de téléconsultation médicale vidéo. Ça a été ultra efficace quand j'étais coincée au lit. J'ai été prise en charge en quelques minutes par un médecin généraliste et dans la foulée j'ai reçu une ordonnance électronique. Je recommande Lévis pour tous ceux qui ont besoin de consulter un médecin rapidement. Lévis, un médecin en quelques minutes. C'est l'heure des rêveurs. C'est l'heure du calme. Le but d'une émission de radio, écrit le philosophe Gaston Bachelard, c'est de trouver l'heure et la méthode qui font communier tous les psychismes dans une philosophie du repos. À l'heure du soir, dit-il, où l'on a le droit et le devoir de mettre en soi le calme et le repos, et où l'on peut laisser la radio construire notre solitude, devant un poste, enfin, sans visage. L'heure de la radio, c'est aussi l'heure de la rêverie, ce qui, pour celui qui défendait le droit de rêver, n'est pas rien. Si la radio peut entrer dans cette parole intérieure, un peu avec des adresses, disons encore des trucs, mais enfin, peut-être des adresses, un peu voir la pluralité des voix. Et on s'apercevra maintenant que nous sommes devant, enfin, une vox mundi, comme on disait qu'on était jadis devant une imago mundi. On n'est pas devant une image du monde, on est une voix du monde. Il y a quelque chose d'objectivé, une objectivation possible des voix de la radio. Il y a qu'elle qui peut faire ça. Si la radio savait donner des heures de repos, des heures de calme, cette rêverie radiodiffusée serait salutaire. Certains diront « Bon, c'est l'heure des rêveurs, les gens énergiques ne l'écouteront jamais. » Mais il faut qu'il y ait l'heure des rêveurs, qu'il y ait l'heure du calme. La radio est une réalisation intégrale de la psyché humaine. Il faut qu'elle trouve l'heure, la méthode, qui feront communier tous les psychismes dans une philosophie du repos. Un livre, cela se ferme, cela se rouvre, cela ne vient pas vous trouver dans la solitude, cela ne vient pas vous imposer la solitude. Au contraire, la radio est sûre de vous imposer des solitudes. Pas toujours, naturellement, il ne s'agit pas d'écouter ce genre d'émission dans une salle de bal, dans un salon. Il faudrait l'écouter, ne disons pas dans une hutte, ce serait trop beau, mais dans une chambre, solitaire, à l'heure du soir, où l'on a le droit et le devoir de mettre en soi le calme, le repos. La radio a tout ce qu'il faut pour parler dans la solitude. Il ne lui faut pas de visage. L'auditeur se trouve devant un poste. Il est dans une solitude qui n'est pas encore constituée. La radio vient la constituer autour d'une image qui n'est pas à lui, qui est à tout le monde. Une image qui est humaine, qui est dans tous les psychismes humains. Pas de pittoresque, pas d'amusement. Elle vient derrière des sons bien faits. Et je saisis l'occasion que me donne ce texte pour remercier toutes les équipes de Radio France qui mettent tout en œuvre pour continuer ces émissions malgré tout, malgré le confinement, avec des équipes et des invités à distance dont vous faites partie. Bonjour Jean-Philippe Pierron. Bonjour Adèle Vendrette. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe, enseignant à l'Université de Bourgogne. Vous avez travaillé et écrit sur la puissance de l'imagination chez Bachelard, sur la poétique de l'eau. Vous vous intéressez surtout à la dimension éthique du travail de Bachelard. On va essayer de comprendre ça ensemble ce matin. Mais d'abord, est-ce que vous pensez comme lui que la radio est un des moyens les plus propices à la rêverie ? Je le souhaiterais. Et on pourrait s'interroger pourquoi il en fait quasiment un programme, effectivement, pour ce média singulier qu'il présente parfois comme étant une logosphère. Et je le pense en fait d'autant plus. Alors, d'abord, effectivement, je voudrais, comme vous, dans le texte qu'on vient de lire de Bachelard, il soulignait l'importance en fait des sons bien faits. Et on ignore souvent en fait que la qualité des émissions et notamment celles qui nous réunissent aujourd'hui en fait sont supportées en fait par tout un travail en fait invisible d'ingénieurs du son, mais qui sont aussi des ingénieurs en fait de l'onirisme. On en reparlera d'une certaine façon. Donc je le pense mais bien évidemment je le pense en ignorant pas que une bonne partie aujourd'hui de ce que sont devenus les médias n'ont pas tellement ce souci-là. Je ne dis pas nostalgique ni méprisant à l'égard de ceci. Il faut de l'information, il faut du divertissement. Ça fait partie aussi des pluralités et des différentes manières en fait pour les humains d'être des humains. Mais combien effectivement de plages disponibles, si l'on peut dire, quand on dit plage ici, c'est il faudrait aux deux sens peut-être du mot d'ailleurs. Ouais. Combien de plages disponibles effectivement pour la rêverie. On voit bien que c'est devenu une rareté essentielle sur les ondes, et je crois que c'est décisif parce que le texte de Bachelard que vous avez lu et que nous avons entendu insiste sur l'idée que la radio, particulièrement à la différence des médias sociaux et de la télévision, est un média sans visage, et où la problématique en fait du rapport à l'autre ne passe pas par le visage. L'absence d'un visage n'est pas une infériorité pour ce média, parce qu'il nous offre la possibilité d'être par la parole immédiatement en phase possible avec l'expérience des images et de l'invitation à la rêverie. Donc je dirais que c'est extrêmement précieux par les temps qui courent, y compris par les temps en fait de l'enfermement, où la radio met de l'ouverture dans la clôture de nos espaces. Et de ce point de vue, oui, je crois que c'est précieux. Je me disais en préparant c'est pas une réunion. Non. C'est pas une réunion Zoom, c'est une émission de radio, c'est vrai, à distance quand même. C'est une émission, c'est une rencontre étrange de cette façon, parce qu'on ne se voit pas non plus tous les deux. Exactement. Je me disais en fait, où sont les espaces où la rêverie de l'un peut rejoindre la rêverie des autres. Ouais. Et c'était assez intéressant dans le premier confinement, je sais pas, sur une radio entre guillemets concurrente, mais qui fait partie de Radio France, on a lu pendant quelques mois en fait des lettres intitulées Lettres intérieures. Mm-hmm. Et au fond, ce que faisait Augustin Trapenard en proposant justement ces lettres intérieures, c'était au fond le programme de Bachelard. Mettre le répit de la profondeur de l'image et de la rêverie qui va avec dans cet espace tant singulier qu'imposent les gestes barrières, les clôtures spatiales et avec leurs effets indirects sur les relations. Donc oui, pour moi, je pense que c'est un programme. Et il faut dire que cette rêverie radiodiffusée, comme pour reprendre l'expression de Bachelard, a quelque chose qui est absolument à contre-courant du rythme dans lequel nous vivons, confinés ou pas d'ailleurs. Peut-être que le confinement pour certaines personnes est plus propice à la rêverie, mais ce qui est vrai, c'est que le terme même de rêverie, avec les songes qu'il laisse entrevoir, l'état de suspension des préoccupations qu'il crée immédiatement, a quelque chose que l'on peut vivre comme étant à rebours du rythme que nous imposent nos journées. Il y a déjà une résistance dans le terme même de rêverie. Tout à fait. En fait, sa résistance, c'est la résistance de la capacité à investir l'instant, puisque l'expérience de la rêverie, elle est une rêverie en fait dans la fulgurance de l'instant et de l'instant en fait qui nous installe dans l'existence. Et effectivement, le mot en fait que vous venez d'utiliser d'ailleurs deux fois, qui est le mot de rythme, est un mot ici majeur. Bachelard en fait a écrit, notamment dans la dialectique de la durée, mais ailleurs, en fait, des textes en fait, sur ce qu'il appelle la question de la rythme-analyse. Mm-hmm. Apprendre à bien rythmer nos existences. Et au fond, quand il dit rythme, il veut dire tout autre chose que la cadence. Hein. Il y a toute une sociologie contemporaine, je pense aux travaux d'Hartmut Rosa, qui a beaucoup réfléchi sur ce qu'il appelle une société en fait de l'accélération, et où en définitive la temporalité que nous vivons à l'intérieur en fait d'une rationalité instrumentale qui pense le temps comme un temps à occuper, à rentabiliser. Bien effectivement écrase sous sa logique et sous sa métrique la pluralité qualitative au fond des expériences du temps qui est engagée dans le rythme. Le rythme, c'est tout autre chose qu'un temps mesuré, hein. C'est effectivement une expérience intensive du temps, dont l'expérience du rêve, dont la rêverie radiodiffusée est l'expérience. Et effectivement, dans un programme dans une plage, dans des plages horaires en fait qui caractérisent nos aujourd'hui nos logiques de structuration du temps, nos planning, enfin du temps pensé comme de l'espace, hein, c'est ça le planning. Ouais. Comment réinstaller en fait une pluralité d'expériences vécues singularisantes. Et au fond l'invitation de Bachelard à la rêverie et à la rêverie radio diffusée, c'est une invitation à pluraliser nos expériences du temps et des rythmes au sein même du plus programmé. Donc effectivement, vous avez raison d'insister, il y a déjà une forme de résistance de la rêverie, là où on pourrait penser qu'au contraire, la rêverie laisse aller, refuse, le caractère abrasif et épuisant du réel. La rêverie bachelardienne n'est pas une rêverie en fait du déni de l'expérience du monde, et au contraire une invitation à une intensification de nos expériences en fait du monde, donc de nous intensifier pour résister justement. Précisément, vous avez employé plusieurs fois le terme d'intensification, intensif. Ça veut dire que pour Bachelard, la rêverie n'est donc pas une fuite, c'est pas quelque chose de passif, c'est une activité, et donc forcément active, puisqu'on trouve ce terme dans le mot même d'activité, qui intensifie notre rapport au monde. Dans quelle mesure est-ce que cette attention à l'intensité du rapport au monde s'est imposée à Bachelard en tant que philosophe? C'est toute la question qui se pose, parce que lui-même pratique la philosophie après avoir d'abord une formation scientifique, et il en vient dans son travail philosophique à s'intéresser à la question de la rêverie, qui peut paraître à bien des égards à contre-courant avec la pratique de la philosophie. Alors je vous propose qu'on écoute une esquisse de réponse qu'il a lui-même fournie, c'était le 19 janvier 1954. La philosophie oublie souvent qu'avant la pensée, il y a le songe, qu'avant les idées claires et stables, il y a les images qui brillent et qui passent. Pris dans son intégralité, l'homme est un être qui non seulement pense, mais qui d'abord imagine, un être qui, éveillé, est assailli par un monde d'images précises et qui, endormi, rêve dans une pénombre où se meuvent des formes inachevées, des femmes qui se déplacent sans loi, des femmes qui se déforment sans fin. Nous voulons montrer que le dormeur éveillé, que le rêveur lucide, réalise une synthèse de la réflexion et de l'imagination. Alors, la rêverie n'est pas un abandon. La rêverie est active. La rêverie prépare des forces et des pensées. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, confiné avec Gaston Bachelard. C'est notre situation cette semaine et on vous y invite évidemment à nous rejoindre dans ce confinement. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du philosophe Jean-Philippe Pierron, qui est avec nous depuis Dijon, grand spécialiste de Bachelard. Et nous venons d'entendre la voix du philosophe. Philosophiquement, le postulat, l'appel au droit de rêver, auquel on va venir dans un instant, et l'importance accordée à la rêverie, se justifie par l'affirmation suivante qu'on vient d'entendre, c'est qu'en fait, le songe précède la pensée. L'image est première, ce qui veut dire que la philosophie ne peut pas se contenter d'être simplement dans le domaine du langage et de la pensée, qu'elle se doit de ressaisir ce qui la constitue également et qui se trouve dans l'image, Jean-Philippe Pierron. C'est un parti pris philosophique très fort. Oui, c'est un choix philosophique effectivement décisif. Qui interroge effectivement le chemin en fait qui le conduit à cette idée. En fait, on pourrait dire ce qui est frappant donc je vais essayer de répondre effectivement à ce qui s'engage là en étant d'abord frappé en fait par ce que redit Bachelard en fait dans cet entretien. Le rêve dont il parle est un rêve éveillé. Donc autrement dit, quand on pense la rêverie, il y a effectivement l'espèce d'abandon spontané de la rêvasserie. Et il y a le rêve en fait de l'onirisme nocturne, enfin celui donc de canalise ou la psychanalyse notamment. Et donc ce qui l'intéresse, c'est effectivement le rêve éveillé, donc c'est presque oxymorique comme formule, mais ça nous tourne effectivement en direction d'une compréhension renouvelée de ce qui fait la psyché humaine, ce qui fait la compréhension de ce que c'est que la créativité psychique humaine, autour d'une revalorisation singulière du rôle de l'imagination. Nous sommes, les héritiers d'une très très longue tradition, en fait, pour laquelle l'imagination est moins, productrice que reproductrice, que l'image n'était qu'une pauvre dévaluation du rapport au réel, bref, que l'image n'est surtout pas quelque chose qui nous intensifie, mais au contraire quelque chose qui nous éloigne de la réalité, alors que Bachelard s'installe dans une tradition pour laquelle, effectivement, l'imagination n'est pas une faculté de l'irréel, mais du surréel. Et donc cette affirmation, elle suppose effectivement d'une prise de distance avec l'idée que l'imagination serait, comme disaient les anciens, une folle du logis, ou une puissance de délire, mais qu'elle est effectivement, elle nous met en phase, j'allais dire, avec nos germinations intimes qui sont de l'ordre du corporel, de l'affectif. Du pré-rationnel de ce point de vue-là, mais même s'il trouve ensuite à s'expliciter effectivement via les explorations notamment langagières, puisque c'est beaucoup cette dimension du langage qu'a investi Bachelard, même s'il a été extrêmement sensible aux travaux en fait des plasticiens de tous ordres, et donc dans le volume Le droit de rêver en particulier, on le voit notamment en dialogue justement avec tous ces plasticiens, sculpteurs, peintres, graveurs, etc. Donc effectivement le rôle de l'image, donc à l'image qui est pensée comme simplement un double appauvri du réel, la pauvre copie. L'image, au contraire, elle est pensée comme une forme de refiguration du monde qui nous installe, au point d'articulation de nous et du monde, au point de coémergence, c'est-à-dire de nous et du monde. Ce qui fait qu'effectivement le poétique, au sens très large du mot, dit ça, cet espace de dimension native où nous venons au monde, en venant au langage et réciproquement, si je puis dire. Mais quel rôle reste-t-il au philosophe dans ce cas? Si le dormeur éveillé par excellence serait le poète, et si l'image est première, est-ce que l'activité même de philosophe qui le caractérise, lui-même, Gaston Bachelard, ne devient pas secondaire? Je pense que le rôle du philosophe à ce moment-là, si on peut dire, qu'il reste, c'est de essayer de rendre compte justement de cette en amont des spécialisations, j'allais dire, y compris des spécialisations philosophiques, lorsqu'on devient épistémologue ou historien des sciences comme il l'a été, ou bien historien, ou bien penseur ou épistémologue du langage, c'est de en amont de ça de questionner en fait ce qu'il en est justement de ce qui fait la créativité psychique. Ce qui est assez le mystère d'une pensée, et la pensée de Bachelard en est une parmi d'autres, c'est la façon qu'elle a de se constituer, et donc la pensée de Bachelard est étrangement constituée sur un mode qui paraît séparé. On présente souvent Bachelard comme étant l'homme du théorème d'un côté et l'homme du poème de l'autre. Et en disant mais où les choses s'articulent, nous ne rentrons pas dans le secret d'une pensée, mais en même temps la question de cette articulation, je crois qu'elle est autour effectivement d'une philosophie de la créativité générale qui trouve effectivement à se déployer dans le champ théorique, c'est l'activité scientifique, et en fait il n'est pas inintéressant de se souvenir qu'un certain nombre d'élèves de Bachelard ont réfléchi sur les rapports entre créativité et imagination et activité scientifique. Je pense aux travaux de Gaston Granger sur la notion de style en mathématiques, par exemple. Enfin, on peut pas, même aux travaux de Michel Serres dans un autre registre. Et puis, effectivement, dans le champ en fait de la poétique, littéraire proprement dit, là aussi sur qu'est-ce qui fait que que l'imagination n'est pas qu'un jeu avec des formes, mais effectivement un approfondissement, une exploration d'autres formes via la rêverie des matières. Donc ce qui reste aux philosophes, dans le travail de Bachelard, c'est ça qui est assez étonnant. Il y a la question de la réponse qu'il donne pour lui-même, et au fond, il y a cette idée d'une invitation à une forme d'un art d'être soi. Et un art d'être soi en peuplant sa solitude, qui ne confond pas avec l'isolement, qui ne confond pas avec l'espèce d'un enfermement mortifère, mais en tout cas en peuplant sa solitude en fait de rêverie en fait profonde qui nous restaure dans notre capacité de juger, qui nous instaure dans notre capacité de sujet. Donc ça vaut pour soi. Autrement dit, il y a chez Bachelard, même si ça n'est pas un moraliste, l'idée d'un passage possible d'une méditation sur les arts et l'art poétique et un art d'être soi, en apprenant précisément à bien se rythmer, pour reprendre un mot que nous avons utilisé tout à l'heure. Et puis, l'invitation, pour les philosophes, à effectivement discuter de façon ferme et précise sur ce que c'est que la créativité psychique, d'où la discussion que Bachelard a... avec la psychanalyse freudienne d'abord, jungienne, puis plus généralement avec les penseurs, je pense notamment quelqu'un comme, c'est moins connu, enfin c'est plus ténu aussi, mais avec Binswanger et donc tout le courant de la psychiatrie existentielle sur les rapports profonds entre rêve et existence. Bref, donc je pense que c'est pas qu'il ne reste rien, c'est qu'il cherchait, pour les philosophes, il s'agit de chercher une unité peut-être plus profonde encore, qu'au-delà de la spécialisation autour justement de cette interrogation sur la créativité, sur cette question de la créativité, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je pense que nous sommes les contemporains d'une expérience bridée de la créativité, au fond, aussi bien dans nos activités professionnelles que dans la vie comme elle va. C'est-à-dire l'expérience bridée de la créativité ? Ce qui me frappe beaucoup, c'est que, dans les problématiques contemporaines qui réfléchissent sur la question en fait des nouvelles pathologies, si on pense à la question des fatigues d'être soi, ou bien toutes les problématiques aujourd'hui autour de la question de l'épuisement, du burn-out ou de la souffrance au travail, on peut très bien faire une lecture bachelardienne de ces phénomènes comme étant le fait que la créativité des acteurs est empêchée. Parce qu'ils sont installés en fait dans des logiques procédurales, dans des démarches isonormées de tout genre, qui imposent leurs procédures où il s'agirait de soutenir les capacités des sujets. Et donc la question de la créativité, elle a un sens. C'est pas tellement attendu là. On n'attendrait pas Bachelard ici parce qu'au fond on a aussi de Bachelard une image d'Épinal et sa voix un petit peu paysanne. A tendance à nous faire effectivement un philosophe de la campagnard, alors qu'en fait sa pensée de la rêverie est une pensée extrêmement incisive, y compris je crois pour notre temps, et en l'occurrence on n'attend pas Bachelard dans une réflexion sur la question du travail, mais dans les textes en fait notamment qu'il a écrit sur la rêverie de la volonté. Il ne réfléchit pas sur le travail à la manière en fait d'une réflexion sur les luttes ouvrières, même si il parle parfois de l'union des travailleurs de la preuve pour parler de la cité scientifique, mais il réfléchit sur les rapports très profonds entre travail et onirisme. Et quand il dit ça, il faudrait pour tous les métiers. Soutenir les métiers par un bureau de l'onirisme. Je vous propose qu'on écoute les textes, Jean-Philippe Pierron. Le bureau de l'onirisme, c'est tellement beau et le texte a été lu par le comédien Vincent Schmitt. Ça vous dit ? C'est parfait, c'est très belle idée. Et bien, les voici. L'ouvrier passionné, l'ouvrier enrichi de toutes les valeurs dynamiques du rêve, vit le temps dynamisé de la cuisson. Il achève volontairement, activement, le destin de la pâte. Il l'a connue molle et plastique. Il la veut ferme et droite. Il suit dans sa surprise et dans sa prudence l'investissement par un feu qui prend la pièce de toutes parts, doucement, fortement. Enlevez les rêves, vous assommez l'ouvrier. Négligez les puissances oniriques du travail, vous diminuez, vous anéantissez le travailleur. Chaque travail a son onirisme. Chaque matière travaillée apporte ses rêveries intimes. Le respect des forces psychologiques profondes doit nous conduire à préserver de toute atteinte l'onirisme du travail. On ne fait rien de bon à contre-cœur, c'est-à-dire à contre-rêve. L'onirisme du travail est la condition même de l'intégrité mentale du travailleur. Ah, vienne un temps où chaque métier aura son rêveur attitré, son guide onirique, où chaque manufacture aura son bureau poétique. La volonté est aveugle et bornée qui ne sait pas rêver. Sans les rêveries de la volonté n'est pas vraiment une force humaine, c'est une brutalité. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Et nous sommes confinés avec Gaston Bachelard cette semaine pour le meilleur. On parle aujourd'hui du droit de rêver, qui est un droit revendiqué par Bachelard. C'est aussi le titre d'un de ses livres, un ouvrage posthume paru en 1970. En compagnie du philosophe Jean-Philippe Piron, on vient d'entendre un texte extraordinaire, un extrait de La Terre et les rêveries de la volonté, essai sur l'imagination de la matière. Chapitre 6, la pâte. Je le dis parce que rien que le terme de pâte a quelque chose qui fait rêver et qui montre tout l'intérêt que Bachelard porte à la matière. On a envie de retenir et de commenter chacune des phrases de ce texte, Jean-Philippe Piron. Enlevez les rêves, vous assommez l'ouvrier. Chaque travail a son onirisme. On ne fait rien de bon à contre-cœur, c'est-à-dire à contre-rêve. Tout ce qu'il dit paraît à la fois si évident, si incontestable, et en même temps, si irréalisable au fond. Ce qu'il décrit là, ce serait un monde rêvé, c'est le cas de le dire, mais ce n'est pas du tout le monde dans lequel nous vivons. Oui. Vous semblez le regretter, évidemment. S'il y a du regret, je crois qu'il ne faut pas le situer du côté de la nostalgie d'un monde ancien. Et je crois que peut-être, c'est vrai qu'il y a une partie de Bachelard, en fait, dans sa réflexion sur le travail, en fait, qui médite des métiers anciens, et notamment ici autour du cogito des pâtes, donc tous les métiers, en fait, du pétrissage, de la boulangerie à la pâtisserie, en passant, par la poterie, hein, autour donc du cogito des pâtes, en tout cas, d'une méditation sur les pâtes, il y a une réflexion, effectivement, générale sur le rapport entre le travail et les matières. Je pense qu'il s'agit pas de parler uniquement d'un monde qui n'est plus ou d'un monde qui n'a jamais été ou qui ne pourrait jamais être. Ce qui m'a beaucoup frappé en fait dans ce que nous venons d'entendre, c'est le texte de Bachelard et puis ensuite c'est la qualité en fait du son de ces gouttes sonores du piano que nous avons entendu. Et au fond, quelle est la matière avec laquelle travaille finalement la radio? C'est la qualité du son. C'est un onirisme, de la matière, une matière très très particulière, hein, qui est celle ici effectivement de la matière sonore, si l'on peut dire, mais qui est effectivement un matériau à partir duquel une rêverie est possible. Alors, ce que je crois, c'est que les analyses de Bachelard ne sont pas la rêverie uniquement de mondes qui ne sont plus, mais elles questionnent effectivement qu'est-ce que ça peut signifier dans nos manières de penser le travail et dans leur diversité de ces configurations, la place et la part de la créativité en fait des acteurs. Je pense ici aux travaux qui relèvent de ce qu'on appellerait la psychodynamique du travail. Et les analyses de quelqu'un comme Yves Clos ou Christophe Dejour sont intéressantes pour ça. Je prends par exemple une distinction que Yves Clos fait souvent pour penser le concept de métier. Mm-hmm. Il rappelle que le mot métier a une double étymologie. Dans métier, il y a mysterium et ministerium. Autrement dit, dans le métier, il y a une dimension de service, le ministerium, et puis il y a une dimension de mystère, le mysterium. Or, quel est le... Au fond, tout métier peut être décrit comme ça, que ce soit le métier d'infirmier ou d'agriculteur, d'éleveur ou d'ingénieur du son. Et au fond, la question du mystère, alors c'est pas un mot qu'utilise trop Bachelard, mais en fait, il nous convoque effectivement à la rêverie des matières avec lesquelles nous sommes en relation, cette matière pouvant être parfois dans les métiers du soin un corps. Hein. Donc l'onirisme ici, effectivement, au cœur du métier, eh bien, il est une façon de se laisser habiter dans une rencontre singulière, insubstituable, avec la situation, et pour faire avec elle. Et c'est ça qui fait le métier. Et précisément, je crois que ce qui aujourd'hui nous tue, ou nous enferme, hein, ou nous épuise, c'est l'appauvrissement du métier au profit de la logique de l'activité. Donc la réduction, au fond, du travail à la seule dimension de la tâche. Et au fond, je crois que c'est un enjeu en fait qui est considérable et qui n'est pas, je crois, irréel, hein, que effectivement de se demander comment corriger, comment dire, nos manières d'organiser aujourd'hui le travail humain en s'attachant à prendre soin, d'une certaine façon, de la qualité d'attention des travailleurs ou de l'onirisme des travailleurs. Mais c'est intéressant que vous compariez, ou plutôt que vous esquiviez la comparaison avec un monde d'avant ou un monde qui n'a jamais été, parce qu'au fond, la réduction du travail à la tâche, c'est quelque chose qui était déjà présent au moment où Bachelard écrivait. Et d'ailleurs, au moment où il écrivait, il y avait beaucoup plus d'ouvriers en usine qu'aujourd'hui, numériquement parlant. Et que cette attention portée au travail est quelque chose que l'on dit avoir beaucoup perdu aujourd'hui. Mais dans quelle mesure est-ce que finalement, ce que dit Bachelard pourrait s'appliquer au domaine du numérique, au domaine de la virtualisation, parce qu'au fond, la matière ne concerne pas simplement les métiers artisanaux, vous l'avez dit, il y a la matière du son, par exemple à la radio, la matière corporelle pour les soignants. Peut-être que le virtuel aurait une matière, peut-être qu'il y a aussi une dimension onirique qu'on pourrait retrouver dans cette sphère-là, qui est celle qui nous occupe de plus en plus aujourd'hui. Oui, mais tout à fait. Lorsque Bachelard en fait invite à promouvoir en fait ce qu'il appelle un droit de rêver, il revendique la question de la rêverie, l'enjeu de la rêverie comme constituant fondamental en fait de ce qui fait l'humanité dans son humanité. Et il le fait finalement en une sorte d'invitation à une forme d'attention. À notre attention au monde, c'est ça qui s'engage dans la rêverie. C'est qu'en fait, là, il faudrait faire une différence ici entre l'attention et la concentration. Il ne s'agit pas simplement d'être concentré au sens de la concentration intellectuelle, hein, de l'hypervigilance, mais de se rendre disponible à ce qui du monde vient vers nous. Et si on fait cette différence, je crois que c'est effectivement éclairant pour penser ce qui se joue autour du numérique, hein, parce qu'effectivement, avec ce dernier, nous sommes engagés, dans une sorte de conflit ou de tension entre une survalorisation justement de la dimension à la fois optique et de l'hypervigilance. Hein, c'est pour ça que nous sommes à la journée hyper fatigués d'avoir travaillé via les écrans, parce que effectivement, on sollicite non pas la dimension polysensorielle de notre être. Alors que, parce qu'effectivement, on valorise essentiellement le regard et un peu l'audition, et on valorise la concentration et non pas l'attention. Et donc, un des enjeux, je crois, c'est effectivement de réinterroger comment on peut travailler autrement le rapport au numérique pour permettre, effectivement, qu'il ne soit pas une anesthésie généralisée, de notre rapport, de notre rêverie. Par rapport effectivement à ce programme en fait que soutient Bachelard. Pour le dire autrement, en fait, il y a chez Bachelard lorsqu'il pense la radio, une réflexion sur la logosphère. Nous sommes aujourd'hui à l'époque de la webosphère, si l'on peut dire. Et donc dans celle-ci, nous sommes tellement dans une culture de l'exposition, permanente aux interactions, que comment installer du rythme au cœur de cette trépidation. Je crois que c'est un vrai défi. Et donc toute la réflexion aujourd'hui sur l'organisation du travail à l'heure du télétravail, elle pourrait être lue à partir de la lunette bachelardienne comme étant une autre façon de penser de la rythmer, mais aussi de questionner nos astuces j'allais dire, dans nos façons justement de réinstaller de l'onirisme au sein en fait du plus contrôlé, comme l'est finalement le mode de communication parfois un peu corseté qu'est le numérique. J'en profite. Je pense, oui, allez-y, je vous en prie. Ouais. Non, je pensais, il y aurait des je mettais, il y avait, je pense à deux exemples qui sont qu'on peut considérer un tout petit peu décalés, mais je ne crois pas complètement. Il y a une artiste japonaise dont le nom m'échappe, mais en fait qui s'amuse à faire à prendre le format en fait du tweet, qui est une forme de communication qui peut paraître extrêmement bridée par rapport au goût de l'onirisme porté par le poème, mais qui justement prend la forme du tweet comme étant la contrainte, une forme d'écriture sous contrainte pour y rédiger des haïkus. Bien, je trouve ça assez intéressant, d'une sorte de subversion en fait d'un mode de communication extrêmement contraint par le poétique. Et puis il y aurait d'autres exemples. Le nombre de mes collègues qui mettent sous leur nom en fait des phrases de poèmes ou de philosophes pour aussi essayer de réinstaller dans le flux, j'allais dire, une autre temporalité. Mais peut-être que je ne sais pas si le combat est vain, mais en tout cas ça dit qu'il y a un champ qui s'ouvre à nous. Puisque vous parlez de chant, j'en profite pour saluer votre chat qu'on a entendu, qui visiblement avait envie de participer à cette discussion sur la rêverie. Il est le bienvenu. Alors, un mot sur l'expression « le droit de rêver ». Donc, j'ai dit, c'est le titre d'un livre posthume de Gaston Bachelard. Dans « le droit de rêver » en tant comme une revendication, et on a parlé en début d'émission de la dimension de résistance contenue par le terme même de rêverie. Quel est le rapport de Bachelard, à cet acte de résistance, justement, à cette revendication? Comment Bachelard résiste-t-il? Alors, il a vécu sous l'occupation, donc la question est directe, mais même plus largement. Oui, merci de cette question. Je suis désolé, j'avais prévu de mettre mon animal dehors. Mais au contraire, j'étais sérieuse. Ça enrichit, je trouve, l'espace de rêverie qu'on essaye de créer ce matin. Oui. Merci de cette question, parce qu'elle me semble décisive. Là, vous avez reçu un mail. Oui, pourtant, oui, c'est pas prévu que je sois sur Skype. En fait, ce qui se joue ici, c'est, je crois, quelque chose de très très profond. Parce que je résume parfois ce que je comprends, je crois, de Bachelard, en tout cas la leçon que j'en ai retenue, en disant que les images qui nous habitent sont des images qui nous habilitent. Et donc cette idée-là, elle me semble vraiment précieuse, parce qu'effectivement, travailler à s'intensifier, c'est se préparer, à résister. Autrement dit, la fonction de la rêverie, si elle ne détourne pas du réel, elle nous restaure dans nos capacités de sujet, avec cette première capacité fondamentale, effectivement, dont la rêverie est le noyau, qui est effectivement de nous rendre, d'intensifier notre mode de présence au monde, comme on le disait tout à l'heure. Et effectivement, ce qui m'avait frappé, c'était de me dire, mais comment c'est possible que Bachelard, qui a été croix de guerre de la Première Guerre mondiale, n'ait pas a priori pris de position contre le gouvernement de Vichy lors de la Deuxième Guerre mondiale, qu'il publie un ouvrage qui s'intitule L'air et les songes pendant en 43. En 43. Donc, est-ce de l'inconséquence? Alors que ses élèves et disciples, je pense à Canguilhem d'un côté, Cavaillès de l'autre, eux s'engagent profondément dans la résistance. Et donc je crois, une réponse à cela, elle est, je crois, liée au fait que Bachelard, notamment dans ce recueil posthume qui est le droit de rêver, travaille avec beaucoup de poètes sur comment, en fait, la première de forme de résistance, c'est déjà une résistance par la question du langage. Et d'un langage, habité par le sens des nuances, le refus d'être arasé par la langue toute faite des communicants ou de la propagande. Et en fait, il n'est pas inintéressant de voir que les proches de Bachelard, celui qui l'a beaucoup édité, José Corti, En fait, dont le fils est résistant mort en déportation, qu'il publie avec des auteurs qui sont en même temps à la fois des résistants et des poètes. Il publie dans un volume avec René Char, notamment, avec Éluard. Enfin, donc, il y a cette idée de comment la poésie peut-elle être une forme de résistance si ça n'est pas qu'une facilité de salon. Et je crois qu'il y a un enjeu qui est considérable. Alors, il ne s'agit pas de considérer que toute la résistance n'est que langagière, hein, mais être attentif à la subtilité de la langue dans des contextes où précisément, pour rendre le monde manipulable, on commence par manipuler la langue, eh bien, c'est un enjeu majeur. Et à l'époque de Bachelard ne connaissait pas, je pense, les analyses qui ont été faites par Klemperer sur la langue en fait du Troisième Reich, hein, puis les travaux que plus tard Orwell a fait sur les problématiques de la novlangue. Hein, mais je crois en fait que sans qu'il ait besoin de cette façon de les connaître, il était attentif que les formes de résistance extérieures à tout ce qui peut nous aliéner, eh bien, trouvent une forme possible de réponse dans le travail à notre consistance intérieure. Et je crois que ce va-et-vient entre résistance à l'égard de ce qui nous aliène et consistance intime de notre qualité de sujet, par notamment l'importance de la rêverie, c'est un enjeu aussi pour notre temps et pas simplement pour le sien. Je crois que nous n'avons pas assez réfléchi sur les profondeurs de notre langage. Précisément, le langage a des vertus signifiantes. Le langage est fait pour nous servir de communication dans la vie courante. Il a par conséquent des vertus de signification merveilleuses. C'est entendu. Et alors, il est encore bien plus signifiant, bien plus significatif s'il est écrit. Par conséquent, on peut dire que la signification du langage allait vers le langage écrit. Mais si vous regardez votre fond de langue, si vous regardez comment les mots ont été par vous, des mots chéris d'abord, des mots enfin tabous, des mots profonds, des mots fondamentaux, des mots premiers, vous vous apercevez que ce sont ces mots qui reviennent dans votre langage intérieur. Voyez-les, entendez-les ces mots au moment où vous vous endormez. Sentez comment cet arbre sonore qu'est le langage s'éteint peu à peu en vous. S'associer simplement à la nuit envahissante, égaler lentement les ténèbres de son être aux ténèbres de la nuit, apprendre à ignorer, à s'ignorer, oublier un peu mieux d'anciennes peines, de très anciennes peines, dans un monde qui oublie ses formes et ses couleurs. Est-ce là un trop grand programme? Ne voir que ce qui est noir, ne parler qu'au silence, être une nuit dans la nuit, s'exercer à ne plus penser devant un monde qui ne pense pas. C'est pourtant la méditation cosmique de la nuit apaisée, apaisante. Cette méditation devrait unir facilement notre être minimum à un univers minimum. Mais voici que je doute au-dessous même du minimum de doute, en un doute informulé, en un doute inconscient, matériel, filtrant, qui trouble une matière tranquille. La nuit noire n'est plus clairement noire. La solitude en moi s'agite. La nuit te refuse sa solitude évidente, sa présence. L'homographie de la solitude humaine et du cosmos nocturne n'est plus parfaite. Tu es repris par un chagrin ancien. Tu reprends conscience de ta solitude humaine, une solitude qui veut marquer d'un signe ineffaçable un être qui sait changer. Tu croyais rêver et tu te souviens. Tu es seul. Tu as été seul. Tu seras seul. La solitude est ta durée. Ta solitude est ta mort même qui dure dans ta vie, sous ta vie. Jean-Philippe Pierron, il y a un thème qu'on n'a pas encore prononcé, un terme même, et qui est présent en creux depuis le début de notre discussion, depuis le premier texte de Bachelard sur la radio qu'on a entendu, c'est celui de solitude. La radio a tout ce qu'il faut pour parler dans la solitude, écrivait-il. La dimension éthique de l'imagination, le rapport au travail et à la matière, le travail dans la résistance et dans la revendication d'un droit de rêver, la rêverie elle-même. Tout se ramène à ce terme, au fond, autour duquel est écrit le texte que je viens de lire. C'est un extrait du Droit de rêver, justement. Cette solitude qui en moi s'agite, qui à la fois me fait coïncider avec la nuit qui m'entoure et en même temps m'empêche d'être complètement la même que cette nuit qui m'entoure, parce que justement en moi quelque chose s'agite, et ce quelque chose, c'est cette solitude que je ne pourrai jamais conjurer. C'est à la fois bouleversant et terrifiant que d'entendre ça. Oui, oui, oui. C'est oui. D'abord, je oui, c'est oui. Je pense qu'il faut en réécoutant en fait ce texte, je pense d'abord qu'il est important quand nous lisons ou que nous entendons de se laisser bouleverser, tout simplement. Et autant quand on lit Bachelard, on a l'impression qu'il nous aide à vivre, mais il nous aide à vivre parce qu'on voit bien aussi que c'est un philosophe, en fait, qui est habité aussi par la problématique du mal qu'il y a à vivre. Il y a une dimension mélancolique aussi dans cette philosophie, qui ne signifie pas qu'on existerait moins parce qu'on serait mélancolique, mais précisément parce qu'on est confronté à la dimension en fait du tragique de l'existence, qui relève là aussi des secrets intimes de son existence à lui, mais qui nous rappelle à la nôtre. Parce qu'il a perdu sa femme très très jeune, en fait. Enfin, sa femme est morte assez rapidement. Il a élevé seul sa fille Suzanne. Voilà, tout à fait. Donc il y a cette expérience-là, et puis toute l'expérience en fait de la Première Guerre mondiale. Enfin, il y a des drames. Moi, ce qui est très, très frappant, effectivement, chez Bachelard, c'est que il est silencieux sur les questions de philosophie, enfin de philosophie politique, sur ces questions, effectivement, même d'éthique a priori. Enfin, on a l'impression, alors qu'en même temps, quand on lit ce texte, enfin qu'on entend le texte qu'on vient d'entendre, c'est une invitation à des exercices de soi, à une forme d'un art d'être soi dans l'expérience effectivement d'une solitude habitée, qui n'a pas peur, j'allais dire, de se confronter à ce qui fait le tragique aussi de l'existence, non pas pour s'y complaire, mais pour effectivement déployer ce qu'on pourrait appeler non pas là mais une dramatique en fait de l'existence, et donc c'est effectivement la question de la solitude qui revient à plusieurs fois dans des textes de ce dernier, sont à installer dans une compréhension de l'expérience humaine, à ne pas confondre effectivement avec l'isolement, donc ça interroge d'ailleurs. Alors quelle différence entre les deux, entre la solitude et l'isolement? De cette façon, je pense que la question de l'isolement, elle revient à des considérations de type spatial, le fait d'être séparé de manière jusqu'à parfois être emmuré dans des quartiers dits d'isolement. Ça peut être moins brutal que ça lorsqu'on est dans des logiques de confinement. Justement, tout le langage que nous entendons aujourd'hui des barrières spatiales dit ça, c'est qu'une forme en fait de d'isolement au sens de traduction spatiale en fait d'une manière de penser les relations, là où la solitude est un enjeu d'existence. C'est-à-dire qu'en fait la solitude nous confronte à une manière en fait d'approfondir ce qu'il en est de notre réalité de sujet, et ici de sujet rêvant, y compris rêvant à comment dire à ce que nous donne le monde et à notre manière d'être au monde, même lorsque celui-ci n'est pas toujours donné dans la douceur. Est-ce qu'il y a une manière d'appliquer ou de puiser chez Bachelard des éléments qui nous permettent de penser ce qui nous arrive aujourd'hui? Enfin, je vous pose la question à dessein, Jean-Philippe Pierron, parce que vous avez fait paraître cette année un ouvrage collectif que vous avez dirigé qui s'appelle « L'éthique médicale à l'épreuve de la Covid-19 » aux éditions universitaires de Dijon. Et j'ai du mal à penser que le bachelardien que vous êtes ait produit ce travail de manière complètement indépendante de vos travaux sur Bachelard. Est-ce que je me trompe? Oui, non, mais de fait, la ligne n'est pas droite, mais il y a effectivement un lien. En l'occurrence, il y a plein de, il y a une multiplicité en fait de résonances possibles. Et merci de me permettre de le faire. Il nous reste que deux minutes, mais je vous propose que vous en parliez pendant ces deux minutes. Ça me paraît important aussi. Voilà. C'est d'abord de dire que effectivement, Bachelard nous aide à penser et nous aide à bien vivre aussi aujourd'hui. Les incidences en fait de ceci, je crois que on a bien vu au fond, notamment lors du premier confinement, que une des grandes difficultés du monde du soin aujourd'hui, c'est le fait que l'ensemble du travail en fait des soignants est aujourd'hui installé dans des logiques qui sont liées aux industries de la santé et au fond d'un pilotage du travail de la santé en fait par des pratiques de gestion qui réduisent le travail à la dimension justement d'activité, ce qu'on appelle la tarification à l'activité, un pilotage qui relève de ce qu'on appellerait la gouvernance par les nombres, et finalement la souffrance des soignants outre le fait de pouvoir réussir à faire face au caractère massif en fait de ce qu'est une pandémie, c'est aussi comment ils sont épuisés avant même de pouvoir faire face dans leur capacité de mettre en œuvre leur créativité par un dispositif d'organisation du travail qui justement bride leur créativité, leur imagination, leur capacité d'initiative de certaines façons. Et donc, on a vu qu'à un certain moment, quand on a dit, il faut laisser aux soignants tous les moyens qui leur sera nécessaire, comment l'invention a repris le dessus ou le devant, sur les impératifs de gestion. Mm-hmm. Pas dire qu'il ne faut pas de la gestion, mais simplement d'inverser le rapport entre les moyens et les fins. La gestion au service d'autre chose, qui est le point, y compris le soin de l'imagination des travailleurs, si je puis dire. Merci beaucoup Jean-Philippe Pierron. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir parlé de Bachelard, d'imagination, de résistance, de solitude et des soignants. Donc le livre dont vous venez de parler s'appelle « L'éthique médicale à l'épreuve de la Covid-19 ». On mettra tous les références de vos ouvrages de toute façon en lien sur le site des Chemins de la Philosophie. On se quitte en rêvant, évidemment, rêveuse et fragile. C'est Juliette Gréco. En effeuillant la fleur des champs, la blanche et tendre marguerite, je rêve d'un pompier pas méchant ou d'un soldat dans sa guérite. Nous irions dans un beau jardin, comme un prince avec sa princesse, et de minuit jusqu'au matin, nous serions tout miel et caresses. Rêveuse et fragile, la brutalité me tourne la bile et me fait pleurer. J'aime les mots tendres et les songes bleus. Mon cœur peut se fendre pour un amoureux. Je suis pareille aux sveltes iris et je suis pareille aux grands lys et pareille à la fraise mûre. Je suis une faible nature, l'amour tourne mon estomac et quand je rêve aux aventures, ma chair frémit, j'en suis gaga, faut prendre ma température. Rêveuse et fragile, la brutalité me tourne la bile ville et me fait pleurer. J'aime les mots tendres et les songes bleus. Mon cœur peut se fendre pour un amoureux. Hélas, je viens d'avoir 100 ans et je veux quelqu'un de vivant. Car le rêve est bien triste et fade. Je voudrais le marquis de Sade ou bien un gros garçon boucher. Qu'il m'étreigne et me fasse loucher ou qu'il me mette en marmelade, mais que je ne sois plus en rade. Rêveuse et fragile. Rêveuse et fragile, on l'est aussi sur France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps d'accueillir Aurélien Bélanger pour sa question philo du jour. Tu les aimes tes cours de philo? C'est vraiment très enrichissant. On demande encore un peu de pratique. Bonjour Aurélien. Bonjour Adèle. Vous êtes avec nous depuis chez vous, comme tous les matins en ce moment, et votre question du jour, la voici: peut-on utiliser la politique comme un test d'intelligence? Alors, plaisir coupable, j'ai regardé une partie de l'audition d'Édouard Philippe par la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de la crise sanitaire, et je l'ai trouvé incroyablement bon. L'homme d'État dans toute sa splendeur calme et rationnelle, de tous les dirigeants qui se sont succédés à la tête de la France, peu m'ont donné autant cette impression d'être des gens capables. Édouard Philippe, clairement, avait été un Premier ministre intelligent. Il m'a fallu faire un effort pour me souvenir que je le détestais. Ah, parce que vous le détestez? Bah oui, je le déteste parce qu'il m'a obligé un jour à découvrir mon jeu. Je me croyais au-dessus de la mêlée, je n'étais que courroux et esprit partisan. Un jour, qu'il pensait à voix haute, il avait en effet déclaré qu'à son goût, le versement des prestations sociales devrait faire l'objet d'une contrepartie. J'avais trouvé ça, soudain, d'une injustice profonde et répugnante, surtout qu'il le dise d'un air aussi intelligent. Quand même, qu'il travaille un peu, ces pauvres. Alors, repensant à mes différentes positions sur le spectre politique et intellectuellement challengé par Édouard Philippe, j'ai tenté d'établir une corrélation dynamique entre intelligence et positionnement politique. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? Bah, c'est un peu généalogique. D'abord, de même que les nourrissons sont des tyrans, les imbéciles sont d'extrême droite. Arrive l'adolescence, l'éveil du sens critique, cette poussée d'intelligence nous transforme en général en intellectuels critiques, mais peut-être de façon trop massive. De là, nouveau sursaut d'intelligence, une vive détestation de la bien-pensance de gauche se produit chez les meilleurs élèves. Quand j'avais 20 ans, les éléments les plus intelligents étaient des petits avocats du libéralisme, des œufs, comme on dit aujourd'hui sur Twitter. Mais l'intelligence survit parfois à ses 20 ans et on se retrouve, comme moi, se croyant libéral, mais dégoûté soudain par une phrase d'Édouard Philippe. Et, alors qu'on adorait les milliardaires, parangons de la liberté, on analyse soudain leur fortune comme une spoliation massive du bien commun. Et donc, on redevient de gauche alors ? Hélas, pas très longtemps. À peine le temps de redécouvrir Marx, qu'on est déjà secrètement séduit par les splendeurs de la grande pensée réactionnaire, par Léo Strauss, Burke, Oswald Spengler ou Éric Zemmour. On rêvait de renverser le capital, on finit par faire la guerre de civilisation. Pourquoi renverser l'ordre des siècles plutôt que celui des millénaires? Et donc on finit tous de droite? Et non, car un nouveau rebondissement dialectique se produit. Lassé de tous ces extrémismes, fatigué de ces renversements, on se barricade, adulte, dans ce qu'on appelle l'extrême-centre, le lieu du « en même temps », la citadelle macroniste. De là, c'est promis, on ne lâchera plus rien sur la liberté, mais on ne tombera plus non plus dans cette facilité puérile qui consisterait à être seulement un libéral. On est si bien là-haut, ni trop à droite, ni trop à gauche, tout au fond du hamac régalien de la pensée complexe, cette courbe en cloche inversée du pouvoir qui, parce qu'il est prétendument difficile à conquérir, passe pour le meilleur test de QI existant. Oui, donc pour répondre à votre question, on ne peut pas vraiment utiliser la politique comme un test d'intelligence. Bah, à moins d'imaginer le président Macron, bête à concours ayant soudain viré cancre sublime, regardant lui aussi son ancien Premier ministre repasser en boucle son grand oral à l'ENA sur Public Sénat en complotant distraitement pour qu'il ne soit jamais reçu et pour rester le seul génie de l'histoire. Car l'intelligence n'est pas tant un état qu'un sport de combat et n'a de fait pas grand-chose à voir avec la politique, sinon qu'il arrive de temps en temps qu'un orgueilleux décide, plutôt que d'entrer dans les arts ou à l'université, lieu traditionnel de la bataille des cerveaux, de faire de la politique, comme on remplit, sans trop y croire, les suites logiques d'un test de QI. Merci beaucoup Aurélien, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site des Chemins de la Philosophie. Un grand, un immense merci à toute l'équipe des Chemins de la Philosophie qui chaque jour prépare cette émission depuis chez elle. Ce sont des filles en ce moment. Manon de la Selle, Avril Poignant-Legoff, Clara de Giovanni, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert. Merci à Esther Valensic qui réalise pour vous l'émission cette semaine. Merci à Vincent Schmitt pour la lecture des textes depuis chez lui également. Merci à Nasser Moussaoui, notre héros du jour qui a sauvé cette émission. Et ben, je vous donne rendez-vous demain pour la suite de notre série Confinée avec Bachelard. Demain, nous serons en compagnie de Marie-Pierre Lassus. On se demandera comment prendre l'air pour attraper les songes. Vous verrez, c'est tout aussi beau que la rêverie du jour. D'ici là, vous pouvez réécouter cette émission en vous rendant sur le site de France Culture ou en téléchargeant l'application Radio France. Vous aurez accès à toutes les émissions en direct, mais aussi à tous les podcasts téléchargements pour écouter les émissions de votre choix à l'heure de votre choix. On se retrouve donc demain, mais aussi sur les réseaux sociaux, j'allais oublier, Twitter, Facebook, Instagram, où on attend de lire vos commentaires avec impatience. Demain donc, ce sera à 10h. Nous, on sera là. Mais d'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.